cœur. Bien lisse. Tous les jours je fais rentrer l'OV. Ma chérie, j'ai plus le temps. Impliqué dans des petites affaires, mais je n'étais pas dedans. Font la rue, ils font les gros bonnets, mais cela fout dans le zen. Everyday, ça charbonne everyday pour rejoindre le soleil. Groupie, selfie, elle te dit bien lisse. T-shirt, fuck la police. J'me fais tout seul, je ne suis pas. Et j'y vais tout droit quand ça prend des ailes. Et j'y vais tout droit quand ça prend des ailes. J'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Faire des séries transactions. Faire des séries transactions. Devine qui veut qu'on se calme. Devine qui veut qu'on se calme. Je réponds Pico direction Tello. Je réponds Pico direction Tello. Je réponds Pico direction Tello. Dans la rue tu mourras comme t'es. J'ai les poches touristiques. Le métier de pute se perd à cause de la concurrence gratuite. J'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Faire des séries transactions. Faire des séries transactions. Devine qui veut qu'on se capte. Devine qui veut qu'on se capte. Je réponds Pico direction Tello. Sur le tello.